Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association pour être utile et aider des gens. Mais quand je suis arrivé à l'association, j'ai compris qu'il fallait l'action de vrais professionnels pour répondre à des problèmes comme faire venir l'eau, réparer des routes pour faire passer des camions de nourriture, etc. Alors, j'ai proposé de m'occuper de la lettre d'information. Depuis février, je la diffuse chaque mois pour que toutes les personnes de l'organisation soient régulièrement informées. C'est ma manière à moi de me rendre utile.